dans les abîmes depuis des siècles. On a ma prise de blé qu'il y a des CO Mike effect ta classe d'être sur la réfrée. J'ai fait mon temps d'ayer les miens, maintenant mon sort serait pour certains ma mort accrue d'un écondant. Max de phase, j'ai trié contre mes aînés, j'ai nié l'existence d'un monde de bise déguisé comme une taspée. J'en ai vu prier pour une fonce, c'est le monde même tiré sur ses frères. Il perd ses sens, acquis la tête du Pascal. Des cales d'un grand, du grand, y'en a depuis que les fauves se bataillent. Non plus d'embrouille de tasse, ça va, maintenant tes tasses sont en bas. Lance tous, tu touches ma douce, mais un conseil, pas mes bourses. Depuis que j'ai frayé mon taf, j'étouffe sur le point de tous ces Macs. Aucune envie pour mes tasses, jalouse mon art et rêve une plaque. Dans mon nom gravé, estimé, à moins d'un scène sur scène, je pèse lourd, on balance, leur fait de la peine. Maximum de phase. Assez qu'on agisse pour plaire. Dieu sait, j'attends le jour que l'on t'enterre. Assez qu'on agisse pour plaire. Vas enclencher dans les tranchées, wack MC en papier mâché. J'en fâche plus d'un ne serait que. Mon style a tellement de forme que plus d'un homme se taperait des gueux. Tu crois quoi? À des clics, un site internet, t'es pas net. Ici mon rap absorbe mieux que Nana au l'ouest en bonnette. Une pensée lâche, t'y laisse en bas les tâches. Ma diction peut les fâche, ça jamais ne mâche. Mes mots et sur ta face de huc, je crache. Le mieux serait que les tasses prennent mon rap pour une bonne queue. Cadrille la zone occupant, occupant masse lésinée. Mon style à rompre praliné attire les tasses tout comme les mecs devant une meuf dénudée. J'aurais bon trier, les bons les mettre du côté droit et quoi que tu saches sur moi, je crois que ce n'est pas la peine de me lire mes droits. Maximum de phase, FK. Assez qu'on agisse pour plaire. Laissez, j'attends le jour que l'on t'enterre. Assez qu'on agisse pour plaire. Laissez, j'attends le jour que l'on t'enterre. Intense. Immense mon taf quand je casse trop comme fidèle. Les becs, no. La tech, no. Y'en a en masse chez Chanel. Je sors mon argot. Les nargos micro. Les gros sorties à micro. J'suis maigra. Les tasses me décrivent. J'suis le macro. Le test, mec, te le dira que mon bise, je le compte en dinar. Depuis des têtes se trouvent, certains vont jusqu'à jouer le canard. En classe d'officier. Mais quand ils parlent, on croirait pour qui. Mais qu'est-ce tu veux? Qu'est-ce tu veux? Taf, j'en ai pour toi un cachemire à qui le veut. Ils misent à tous les coups, on perd de la mise d'ambition. On ignore la crise d'avance sans même quoi que l'on dise. Trop d'anxiété, ancrée dans leur tête comme une barrette, ils ne cessent d'effriter. Surveille mes faits, mes gestes pour le grand scoop du Maccabé. Temps pour 10 ans, mais ça je suis futé comme bison. Les laisse aucune confusion, je reste pour toi la tâche l'aîné. Donc une remise en question, MC. Je tue comme la balle perdue, fauche des innocents. Le sang coule la flot, la colère dans mon regard. Est-ce que tu le sens? 100% égo trip pour type malmené. Le soir se met à trier, qu'un meurtrier vient nous prier. C'est mauvais, même si la mort me faucherait, aidé par mes proches. Mais vu ce qu'on a d'amis quand tous les ennuis vous approchent. Même si la mort me faucherait, aidé par mes proches. Mais vu ce qu'on a d'amis quand tous les ennuis vous approchent.